Le comité préparatoire africain pour célébrer le jour de naissance de Son Excellence le généralissime Kim Jong-il a présenté le 19 courant dans l'homepage d'Internet une œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un, le service fidèle pour les masses populaires est le mode d'existence et la source de la force invincible du Parti du Travail de Corée.